Le salon noir. On l'attendait depuis 1953, 62 ans de patience, d'espoir déçu. Parce que le sort est malicieux, il émerge aujourd'hui là où il ne pouvait être, dans une zone commerciale à la périphérie d'un village, sans passé ni destin. On connaissait la tombe princière de Vix désormais. Le monde entier découvre le prince hallstattien de Lavaux, inhumé voici 2500 ans sur son char et accompagné dans l'au-delà de chaudrons étrusques et de vases attiques. Privilège des privilèges, le salon noir était sur le terrain, mais laisse les fouilleurs s'activer au démontage des merveilles pour mieux en parler prochainement. Le prince de Lavaux et les principautés celtiques ne seraient rien si quelques millénaires auparavant, des sociétés n'avaient décidé de vivre selon de nouvelles règles qui nous régissent encore de nos jours. Cette période est bien entendu un des grands temps forts de l'histoire de l'humanité. Professeur au Collège de France, membre de l'Institut, spécialiste incontesté de la protohistoire française et méditerranéenne, Jean Guilain ne s'y est pas trompé en intitulant son dernier livre chez Odile Jacob « La seconde naissance de l'homme, le néolithique ». Jean Guilain, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct des studios de France Bleu Toulouse. Jean Guilain, la grande césure de l'histoire, ce n'est pas la chute de Rome, mais avant et après l'agriculture. Oui, alors ça, cette phrase est de Braudel, bien entendu, et Braudel fait référence évidemment à Child, puisqu'il ajoute les deux grandes césures, ce sont l'agriculture et la ville, d'une certaine façon. Donc, il fait sienne les idées de Child. Bien que Child lui-même n'ait pas été, contrairement à ce qu'on dit habituellement, le premier à parler de révolution pour le néolithique. D'autres l'avaient dit avant lui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que le néolithique est... Vous trouvez bien que ce néolithique est... C'est l'important, ce n'est pas la chute de Rome? Ah oui, bien entendu. C'est le... l'un des très grands tournants, en quelque sorte, de l'humanité. C'est un phénomène planétaire, c'est un phénomène historique, et vous savez ou vous ne savez pas que moi-même, je considère que le néolithique, ça n'est plus de la préhistoire, d'une certaine façon, c'est de l'histoire. La césure que l'on met habituellement entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'écriture. Pour moi, l'écriture n'est qu'un pas le marqueur, en quelque sorte. Au fond, le grand changement, c'est le néolithique, puisque c'est le début du monde rural. Une nouvelle économie se met en place, qui n'a rien à voir avec l'économie de chasse, c'est l'économie d'agriculture, l'économie d'élevage. Et on est tout d'un coup devant un monde où, qui est caractérisé par un certain nombre de problèmes, comme la gestion des localités qui sont soumises à des pulsions démographiques, la constitution des territoires et des frontières, l'identité commune des gens qui appartiennent à une même localité, leur cohésion interne, les problèmes de conquête et de repli agraire, la spécialisation artisanale, les luttes pour le pouvoir, avec la constitution des élites et des inégalités, la guerre, les relations entre le politique et le religieux. Autrement dit, toute une série de problèmes qui seront caractéristiques des civilisations rurales et urbaines de type historique. Donc pour moi, le néolithique, au fond... ce sont les débuts de l'histoire. Jean Guilain, vous êtes là à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais Jean Guilain, vous êtes archéologue et historien. Or, pour les historiens, c'est le texte qui prime avant tout. Donc, vous allez contre les historiens un peu. Oui, un petit peu. Mais vous savez, le texte, il peut être partiel et partial. Je ne veux pas faire la critique de l'écriture, des textes, mais il me semble que la mise en place du monde rural, du monde paysan, conditionnera tout le reste. Et que c'est là la véritable césure. Au fond, Braudel ne s'y était pas trompé, et ceux qui l'ont précédé également. Jean Guilain, ce néolithique est-il un phénomène sans retour? Sans retour... Si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que le néolithique a conquis la planète, puisque les populations de chasseurs-cueilleurs sont très rares et puis elles sont en quelque sorte entourées par des populations agricoles avec qui elles échangent souvent. Donc on peut dire que la conquête du monde par le néolithique a été quelque chose d'irréversible. Je sais bien qu'on peut trouver quelques retours en arrière, quelques phénomènes d'involution, mais ils sont très peu nombreux et au fond, non seulement nous sommes tous néolithisés, mais nous sommes allés bien au-delà du néolithique, puisque le néolithique lui-même, au fond, quelque part, c'était une espérance, c'était un espoir. Hein, la possibilité, en fabriquant pour la première fois de son histoire sa nourriture, l'homme pouvait penser qu'il pouvait nourrir toutes les bouches qui naissaient, en quelque sorte. Or, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas, et que donc le message du néolithique a un peu été dévoyé, quelque part. Pour autant, l'agriculture s'est imposée. Oui, mais c'est l'émergence du travail. C'est l'émergence. Ben, vous savez, le chasseur paléolithique travaillait à sa façon, à mesure où il allait, où il a chassé. C'est la victoire du travail. C'est aussi, d'une certaine façon, à un certain moment, la victoire de l'homme, bien entendu, sur la nature, mais en quelque sorte, la guerre de l'homme avec lui-même, d'une certaine façon. Parce qu'à partir du moment où l'homme a domestiqué, maîtrisé la nature, cette force, cette capacité, ce pouvoir, il l'a retourné contre ses semblables, avec des différences, des inégalités, n'est-ce pas, une compétition qui fait que l'homme, après avoir conquis son environnement, est devenu un peu un loup pour l'homme, quelque part. Jean Guilaine, cette période est souvent jugée comme une véritable révolution. On évoque alors le nom de Gordon Child, vous le citiez il y a un instant. Mais de fait, j'ai découvert dans vos pages qu'il n'en était rien. Cette notion fut au préalable bien française. Oui, bien française, j'ai un nom à citer, là, c'est celui de Cartaillac. Dans un ouvrage publié en 1889, donc bien avant l'aube de la civilisation européenne, le livre maître de Child, publié pour la première fois en 1925, Cartaillac, donc, avait parlé de révolution à propos du néolithique, en disant, mais vous savez, c'était une époque où on ne voyait pas, on voyait essentiellement une césure entre le temps des chasseurs et le temps des agriculteurs. Après, on a inventé cette espèce de temps intermédiaire, grâce à des fouilles, grâce à des découvertes, et donc, on a vu comment le néolithique se constituait, n'est-ce pas, sur une base qui était une base, en quelque sorte, autochtone, de chasseurs-cueilleurs. Je parle évidemment des régions où le néolithique s'est constitué. Mais à cette époque-là, on ne savait pas. Donc, il y avait une rupture totale entre les chasseurs et les agriculteurs. Et donc, ce terme de révolution, il existe sous la plume de Cartaillac, bien avant Child, pour montrer que, au fond, on ne sait pas d'où vient cette transformation assez subite de l'homme pour l'agriculture, en faveur de l'agriculture. On n'évoquait pas du tout à l'époque le climat, déjà ? Le climat, on l'a surtout, il est revenu très à la mode ces derniers temps d'ailleurs, on l'évoquait déjà, puisque Child lui-même pensait que, au fond, le néolithique était d'une certaine façon une révolution imposée par le climat. D'une certaine façon, la nature commandait, n'est-ce pas, et l'homme était obligé de s'aligner. Autrement dit, il s'était adapté, comme il s'était d'ailleurs adapté tout au long des temps paléolithiques, tout au long du temps des chasseurs. Autrement dit, on pensait que le climat au Proche-Orient, je prends l'exemple du Proche-Orient, il y a d'autres exemples, d'autres laboratoires du néolithique dans le monde, mais celui-là est le plus connu, et je dirais qu'il nous intéresse directement, dans la mesure où nous en sommes tributaires ici. C'est parce qu'il y a eu une révolution néolithique au Proche-Orient que nous sommes en Europe devenus des paysans par phénomène de migration ou de diffusion culturelle. Donc, à l'époque où Child écrivait, Child pensait que le réchauffement climatique du post-glaciaire faisait que l'aridité qui s'était manifestée au Proche-Orient avait contraint les hommes à se regrouper près des points d'eau, près des fleuves, etc. Et que donc, d'une certaine façon, là, c'était produit une sorte de promiscuité entre l'homme, les plantes, les animaux, et le néolithique serait issu, en quelque sorte, de cette promiscuité. Donc, au fond, c'est la nature qui était le facteur essentiel. Mais depuis, on a inversé complètement en quelque sorte, la perspective. Et on pense au contraire que le néolithique est une révolution d'abord essentiellement humaine. Autrement dit, c'est l'homme qui, à un moment donné, a choisi de changer. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des interférences. L'homme ne peut pas se passer de la nature et donc du climat, d'une certaine façon. Et puis, récemment aussi, il faut dire que les climatologues sont revenus en force dans le débat, en disant, au fond, le climat a pu contraindre l'homme à changer, donc reprenant la vieille théorie de Child, et puis en montrant qu'à certains moments, certaines péjorations climatiques ont pu évidemment contraindre les populations. Les dernières populations de chasseurs-cueilleurs, par exemple, en Occident, et les premières populations néolithiques en Orient, puisque après que le néolithique se soit constitué en Orient et que certains gros villages aient émergé, donc le néolithique est bien en place, tout d'un coup se produit des phénomènes de démobilisation d'une certaine façon. Ces gros villages disparaissent. L'homme revient à plus de mobilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'aridité qui se produit à ce moment-là. D'ailleurs, certains climatologues vont plus loin et pensent que cette sorte de... Ces modifications de conditions climatiques qui ont entraîné des modifications dans le comportement humain sont à l'origine de la diffusion du néolithique vers l'Occident. Je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Mais voyez comment, encore aujourd'hui, la recherche fait que les archéologues d'un côté, les climatologues et environnementalistes sont obligés de dialoguer, d'une certaine façon, pour voir... qui, en quelque sorte, est le facteur essentiel dans l'émergence et dans la diffusion des civilisations agricoles. Jean-Guilaine, ce que vous évoquez là, c'est cet événement vers 6200 avant notre ère, un événement climatique qui semble déstabiliser la société, du moins au Proche-Orient, et pour l'archéologue Bar Yosef ? Oui. Alors, Bar Yosef pense effectivement que cette aridité plus forte a perturbé les populations agricoles, les premières populations paysannes du Proche-Orient, et a pu les contraindre à des phénomènes de diffusion. Il n'est pas le seul, et des climatologues le disent également. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on regarde le problème du point de vue, non pas de l'Orient, mais de l'Occident, c'est-à-dire nous sommes vers 6200 avant notre ère, il y a des agriculteurs en Orient, il y a encore des chasseurs-cueilleurs en Occident, puisque le néolithique n'a pas diffusé jusque-là. On est là vers la fin du temps des chasseurs-cueilleurs. Eh bien, le problème, c'est que ces derniers chasseurs-cueilleurs, nous avons du mal à les voir dans le registre archéologique. Autrement dit, dans beaucoup de stratigraphies, de sites où nous avons... les derniers chasseurs-cueilleurs et puis les premiers paysans, le passage ne se fait pas toujours aisément, rapidement, d'un état à un autre. Il y a un hiatus. Et ce hiatus, quand il est daté, il correspond en gros à cette époque-là. D'où les problèmes, les discussions qui existent à l'intérieur de la discipline, chez les spécialistes, pour savoir en quoi cet événement a pu déstabiliser les ultimes populations de chasseurs-cueilleurs qui ne sont pas trop visibles dans le champ archéologique avant que n'arrivent les premiers agriculteurs. En tout cas, avec le néolithique, l'homme est désormais le maître, l'unique aménageur de son environnement, son destructeur aussi. Vous pensez, Jean-Guilaine, par exemple, que dès cette époque, l'homme bouleverse profondément la nature et par là même, peut-être même, le climat. En un mot, ce que l'on appelle le début de l'Anthropocène. Oui et non. Oui, dans la mesure où l'homme, évidemment, défriche, c'est-à-dire qu'il abat les forêts, n'est-ce pas ? Il abat certaines forêts, jusqu'à un certain degré. Mais les gens qui travaillent sur les sols, par exemple, vous disent que cette révolution néolithique, au début, n'a pas été totalement destructrice. Et puis l'homme a appris à jouer avec la nature. Il a détruit la forêt, mais il a parfois laissé la forêt se reconstituer. Vous savez, autrefois, on avait une vision un peu, en quelque sorte, linéaire de l'évolution de l'environnement. On pensait qu'on est aussi. Voilà. Les néolithiques avaient brûlé la forêt, dont le paysage était devenu de plus en plus ouvert, et puis petit à petit, je pense par exemple dans les zones méditerranéennes, où on avait la chênaie du chêne blanc, puis on serait passé progressivement au cours du néolithique à la chênaie de chêne vert, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, on serait passé à des paysages beaucoup plus ouverts, avec la garrigue, etc. Alors, on a beaucoup nuancé ces visions-là, parce qu'on se rend compte que l'homme du néolithique, en quelque sorte, et il peut brûler la forêt, mais il peut laisser la forêt se régénérer. Il trouve un moyen d'exploiter la forêt qui se régénère. Vous voyez, donc, il y a des processus, en quelque sorte, de symbiose qui se font entre l'homme et la nature. Alors, il est certain que le néolithique, bien entendu, a été le point de départ de la transformation des forêts, de la transformation des paysages. Mais ces choses-là ont joué, évidemment, sur le temps long et pas d'une manière immédiate. Transculture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jean Guilaine, le néolithique, c'est bien entendu l'émergence de l'agriculture. N'est-ce pas, dans ce cas aussi, le découpage du temps ? Bien entendu. Mais le découpage du temps, d'une certaine façon, avec les phases de la Lune, les paléolithiques, les chasseurs l'avaient déjà saisi. Ce qui est intéressant au néolithique, c'est que on se trouve dans une économie qui est une économie totalement neuve, totalement nouvelle. Autrement dit, le néolithique qui sème, n'est-ce pas, soit à l'automne, soit au printemps, ses céréales, c'est qu'il ne pourra récolter ses céréales que plus tardivement. Donc, il est obligé de penser sur l'année, ou tout au moins sur plusieurs mois, sa façon, en quelque sorte, de tirer parti de l'économie agricole. N'est-ce pas ? Donc, il sait que sa récolte sera différée par rapport au moment des semailles, qu'il a intérêt à faire des stocks. Donc, le calendrier saisonnier est un calendrier qui court sur l'année, la plupart du temps. Et l'homme est obligé, évidemment, de se mouler là-dedans. Alors, l'homme est un malin, bien entendu, parce que ce cycle annuel, ce cycle des saisons, déjà perçu, évidemment, par les paléolithiques, il va l'organiser. Autrement dit, en fonction des semailles, de la germination, des moissons, de la consommation, etc., ce cycle, ce temps naturel, il va le socialiser par des rites, par des fêtes. Tel moment sera le temps des semailles, tel moment sera le moment de la récolte, etc. Donc cette socialisation du temps, ça c'est quelque chose que l'on doit essentiellement, du temps agricole, je parle, que l'on doit essentiellement au néolithique et que l'on retrouvera évidemment dans les civilisations rurales, traditionnelles, ensuite. En tout cas, la domestication, ce n'est pas que les chèvres, les vaches et les cochons. D'autres expériences sont tentées, notamment sur le chat, pour preuve vos fouilles à Chypre ? Oui, alors évidemment, là, vous savez, vous touchez là le problème de la domestication animale au problème de la chasse. Souvent, on dit, ah ben écoutez, l'homme, plutôt que de chasser, n'est-ce pas, de poursuivre des espèces sauvages, la chasse étant une activité qui peut être aléatoire, bien entendu, a préféré avoir des bêtes sur pied, que l'on pouvait consommer quand on le désirait, etc. Et donc, l'élevage a rapidement supprimé, d'une certaine façon, la chasse, ou a rendu la chasse anecdotique, ou là, en quelque sorte, parqué dans le monde du symbole, c'est-à-dire on chasse souvent pour se construire un statut social. Bien. Mais en réalité, on s'aperçoit, au Proche-Orient en particulier, que si les premières espèces domestiques qui ont été domestiquées, elles, pour la viande, et pour le lait aussi, pour certaines, apparaissent dans le courant du 9e millénaire, l'élevage ne se constitue pleinement que dans le courant du 8e millénaire. Donc, cela a pris du temps. Autrement dit, on n'est pas passé du jour au lendemain, bien entendu, de la chasse à l'élevage. Il y a eu des moments, en quelque sorte, de cohabitation entre les deux types d'activités. Alors, vous parlez du chat. Le chat, c'est un autre problème. Une belle découverte que vous avez faite. Oui, oui, c'est un animal de compagnie. Alors, avec mon équipe, avec François Briouat, Jean-Denis Vigne, etc., nous avons eu la chance de fouiller à Chypre une sépulture aux environs du milieu du 8e millénaire, autour de 7500 avant notre ère. Et dans cette, il y avait un personnage enterré, avec d'ailleurs un mobilier, des haches polies, des lames, une boule d'ocre, etc. Ce qui est très rare, d'ailleurs, dans les sépultures de ce site-là. Et puis, face à face, il y avait un chat enterré. Alors, on pense que ce chat était, sinon, et très probablement domestique, tout au moins apprivoisé. et que ce chat a suivi l'homme dans la mort. Autrement dit, la domestication est un processus hiérarchisé, de type dominant-dominé. L'homme est dominant, il exerce sa puissance sur le chat, et au fond, il a droit de vie et de mort sur cet animal. Donc vous voyez, même ces animaux de compagnie, qui sont des animaux auxquels on tient beaucoup affectivement, on pourrait d'ailleurs reprendre le problème pour le chien, les chiens que l'on trouve déjà dans les tombes natoufiennes, quelques millénaires auparavant. Donc l'espèce, même les chats de les bêtes de compagnie, le chat, le chien, etc., sont la possession de l'homme. L'homme exerce un pouvoir sur la bête et le manifeste en souhaitant que la bête l'accompagne dans la mort. Jean-Guilaine, au sein de ces sociétés, la femme devenue agricultrice ne pouvait que devenir bonne mère, puis déesse, du moins dans l'imaginaire des archéologues ? Oui, alors, bonne question, et je dirais que vous avez déjà répondu, d'une certaine façon. Oui, il faut dire que quand l'archéologie néolithique a commencé de se développer dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y avait déjà des idées, n'est-ce pas, qui couraient sur l'histoire des sociétés, venant de l'anthropologie, venant de l'histoire des religions, etc. Autrement dit, on s'imaginait que, ce sont les auteurs anthropologues évolutionnistes du XIXe siècle en particulier, que la société était passée à un certain stade de son évolution, lors de ses premiers stades, à travers un pouvoir qui aurait été un pouvoir plutôt féminin, n'est-ce pas ? Et vous savez, c'est l'histoire du matriarcat, de Bachofen, etc. Et puis que les hommes auraient par la suite pris le pouvoir, le matriarcat aurait été supprimé et le patriarcat aurait vu le jour. Bon, tout cela n'a pas dépassé le stade de la spéculation, je dirais, sympathique. Et vous savez d'ailleurs que les anthropologues du XXe siècle ont bien montré que des sociétés réellement matriarcales, il y en avait très peu, voire pas du tout, d'une certaine façon. Mais ces idées ont été captées par les premiers archéologues. Et lorsque les premiers archéologues ont trouvé des documents qui pouvaient renvoyer à la femme ou qui pouvaient renvoyer à un culte de la femme ou d'une déesse féminine, ils les ont interprétés dans ce sens. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque Arthur Evans, le fouilleur de Knossos, trouve des statuettes dans les niveaux de l'âge du bronze, dans les niveaux minoens, il dit écoutez ça, ce sont des figurines qui représentent la déesse babylonienne. Mais quand il en trouve dans les niveaux inférieurs, dans les niveaux du néolithique, il dit ça, ce sont les archétypes de la déesse babylonienne, voyez. Donc, ce concept que la femme domine un pouvoir social et que parallèlement, sur le plan religieux, une déesse, une divinité féminine domine en quelque sorte la société, ce sont des idées qui sont nées au XIXe siècle et qui ont plus ou moins traversé, souvent, tout le XXe siècle. Je peux prendre deux ou trois exemples. Par exemple, une archéologue britannique qui s'était amusée à écrire des romans, Jacquetta Hawkes, dit qu'il a existé une déesse qui est liée au monde agricole et qui a suivi la diffusion de l'Orient vers l'Occident de l'agriculture. Vous avez un personnage, Maria Gimbutas, qui a développé l'idée qu'au cours du néolithique, une déesse régnait sur le monde des premiers paysans, une grande déesse qui aurait été une sorte de figure cosmogonique, n'est-ce pas, créatrice du monde, qui aurait dispensé la vie, le renouveau, n'est-ce pas, et tout ça lié à la femme génitrice, vous voyez. Donc vous avez cette espèce de va-et-vient entre le social avec des femmes qui dominent le monde néolithique et le religieux avec une ou des divinités qui sont essentiellement des divinités féminines. Tout ça n'est pas corroboré par l'archéologie. C'est assez compliqué. Et le religieux, au fond, est certainement le domaine dans lequel nos interrogations sont les plus grandes, parce que les démonstrations sont difficiles. Jean-Guilaine, en direct des studios de France Bleu Toulouse, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Institut, que vous venez de publier La seconde naissance de l'homme, le néolithique, aux éditions Odile Jacob. Désormais, l'archéologie commence à nous donner une perspective sur la violence, sur ces temps très anciens. Oui, vous savez, pendant longtemps, les archéologues fouillent, et c'est tout naturel, ce qui apparaît à leurs yeux, des habitats, des sépultures. Maintenant, l'étude de l'environnement, la reconstitution des paysages, etc. Mais tout cela a longtemps été perçu dans un cadre que l'on peut dire pacifique. Et la violence préhistorique n'a commencé à émerger comme topic, comme sujet de recherche réellement, qu'il y a peut-être une vingtaine d'années. Et a engendré très vite une littérature très abondante. Et on s'aperçoit effectivement, avec le dossier qui grossit, on s'aperçoit que ces civilisations pouvaient être civilisations violentes, à l'intérieur des mêmes cultures. On peut prendre plusieurs exemples. Il y en a un qui est bien connu, c'est l'exemple de Talheim, où les premiers paysans de la culture rubanée, c'est-à-dire ces paysans de l'Europe centrale qui se sont en quelque sorte répartis depuis le monde balkanique jusqu'à l'embouchure du Rhin, n'est-ce pas, ou de la Seine. Eh bien, ces gens-là, à Talheim, en Allemagne, on a un massacre là. Un massacre où hommes, femmes, enfants ont été tués par des gens qui sont probablement des gens de la même culture que ceux qui les ont occis. Voyez. Et on pourrait prendre plusieurs exemples. Et puis on voit d'ailleurs que la violence augmente. Si on reste sur sur l'exemple français, on s'aperçoit que le nombre de tués ou de blessés par flèche augmente au plan documentaire entre le 6e et le 3e millénaire avant notre ère. Jean-Guilaine, puisqu'il nous reste 2 minutes 30 à peu près, la longue durée est votre terrain, votre quotidien. Pour autant, peut-on faire du brodel dès cette époque néolithique ? Ah, je pense tout à fait que l'on peut faire du brodel. D'abord, la part du milieu, je reprends là une expression tirée de la thèse de Brodel sur la Méditerranée à l'époque de Philippe II, les navigations. Auquel Brodel a attaché beaucoup, beaucoup d'importance. N'oublions pas que la diffusion du néolithique a été essentiellement une diffusion maritime. Et puis, au cours de l'âge du bronze, des concepts tout à fait brodéliens, comme le concept d'économie monde, c'est-à-dire un centre actif et des périphéries qui plus ou moins subissent ou acceptent ou s'ouvrent en quelque sorte aux nouveautés du centre moteur. Regardez par exemple la Méditerranée. Vous avez, autour de 1500 avant notre ère, vous avez l'Orient avec l'Empire hittite, le Nouvel Empire égyptien, le monde mycénien. Et puis en face, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez des cultures qui sont des cultures encore paysannes, qui ne connaissent pas la ville, qui en sont à un stade, je dirais, néolithique prolongé, avec connaissance de la métallurgie. Eh bien, les Occidentaux vont profiter en quelque sorte des savoirs orientaux, puisque la céramique mycénienne, certaines armes venant d'Orient, les lingots en peau de bœuf, toute une série de techniques, et des techniques, je dirais également architecturales, la modification de l'architecture qui se manifeste en Sicile, sur des sites comme Thapsos, on voit que la périphérie n'est pas insensible aux mouvements, aux apogées du monde méditerranéen oriental. C'est de l'économie monde. Et ça, on peut l'appliquer, effectivement, le modèle Brodel, à l'espace méditerranéen, au moins. Et puis au-delà, lorsque arriveront les phases plus récentes de l'histoire, avec notamment le monde grec, les colonies grecques, et la conquête du monde celte, la conquête, n'est-ce pas, les relations, plus exactement, entre ce monde méditerranéen et le monde celtique, tel que vous l'évoquiez en début d'émission. Jean-Guilaine, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre qui sortira demain en librairie, La seconde naissance de l'homme, le néolithique, publié chez Odile Jacob. La semaine prochaine, place aux faux et aux faussaires avec Gérard Coulon, qui nous révélera les relations épistolaires de César et de Vercingétorix, mais aussi de bien d'autres. Partenaire du Salon Noir, la revue Archéologia se consacre ce mois-ci à la victoire de Samothrace et à la Grèce du musée Calvet d'Avignon, à la fouille d'un incroyable palais de l'âge du bronze en Espagne, mais aussi au peuple d'Énervien. Enfin, Jean-Paul Demoule revient sur les Indo-Européens. Ceci aurait-il existé ? Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique à Paris, Élise Le, et à France Bleu Toulouse, Vincent Gopelin, attaché d'émission, Catherine Donnet.